resté l'ont éteint. Dans l'ombre, livré à nous-mêmes, nos vies se sont éteintes. Les prochaines dînes sont les pires choses que l'on détient. Les réservoirs pleins en carburant à leur soutien. Les seuls sur qui on peut compter, leurs conseils à cœur on tient. On fait partie de ceux qui débutent les poches vides. Pendant que l'État et ses hommes veulent faire de nous des enveloppes vides. Mais sans capituler, on se bat, car de pouvoir on est avide. Ici, vivre aisé, c'est ne plus être constamment leur cible à viser. De la société, on est déjà rejeté. Ce qui fait que le lendemain est notre avenir le plus loin projeté. Aucune carte en main, pour ainsi dire, pratiquement pas de moyens. Fatalement, tout ce qu'on entretient nous échappe. Tout nous file entre les doigts comme les perles de mon chapelet. L'avenir est projeté pas plus loin qu'au lendemain. Déçu de nos vies, n'avoir jamais eu les cartes en main. Comme si on voulait sceller nos destins. Lueur d'espoir éteint, livré à nous-mêmes, on agit à l'instinct. Dès ma naissance, j'ai compris mon destin, qu'on serait jamais la chance. Depuis tout enfant, je remercie ceux qui ont été la cause de ma subsistance. Car la vie m'a confronté à des sentences. Toute ma scolarité est vouée à l'échec. À chaque effort que je fais, je n'avance point. Et je fais le point, je trouve, y'a que dans le jean que je me sens bien. Tous mes projets que j'envisage sont souvent rejetés ou remplacés par des soucis qui me paralysent. Analyse comment mon état se remplit de peine. Grâce au dîme qui me guide, j'ai la patience qui règne. Grâce aux proches qui m'entourent, mon esprit reste zen. C'est dans la difficulté, tu sais sur qui compter. Tellement de choses à dire que je pourrais même plus les compter. Je suis confronté à des dures épreuves que je dois surmonter. Ici l'avenir est projeté pas plus loin qu'au lendemain. Déçu de nos vies, n'avoir jamais eu les cartes en main. Comme si on voulait sceller nos destins. Lueur d'espoir éteint, livré à nous-mêmes, on agit à l'instinct. Je suis moins gagné par ce sentiment. Mélange haine et désespoir, plaie sans pansement. Atroce douleur au cœur, plus qu'un pincement. Un manque d'air à bout de souffle, on meurt presque d'étouffement. Certains s'en sortent et d'autres restent de l'autre côté de la porte. Notre destin est seul prometteur de notre avenir. On se souhaite tous le bonheur, mais le pire est à venir. De notre heure de vie jusqu'à la seconde où on doit mourir. Les yeux fermés, on crève plus que l'on rêve. Insupportable ce lourd fardeau qu'on soulève. Ici les lois de la gravité sont plus élevées qu'autre part. Mais on surmonte les remparts. Cette tristesse m'a adopté quand j'ai versé des larmes. Ces cris de pleurs ne font que durcir mon âme. Mon destin scellé, rien ne pourra le changer. Passé cicatrisé qui m'a laissé des séquelles. Ici l'avenir est projeté pas plus loin qu'au lendemain. Déçu de nos aucune lueur, rien. Laisse-nous agir à l'instinct.